Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'association sur Fadjet, nous allons parler de l'association France Alzheimer qui organise le samedi 4 janvier la foulée des rois. Ce sera à Pulnoy. Et pour nous en parler, nous avons en studio aujourd'hui Sophie Eva Mazur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association France Alzheimer. Oui. Et aussi Virginie Lax, bonjour. Bonjour. Donc vous avez le rôle de secrétaire administrative. C'est ça. Alors France Alzheimer, bon, le nom dit quelque chose quand même d'assez clair. Vous pouvez nous expliquer le rôle de cette association France Alzheimer? Oui, alors le rôle de France Alzheimer, c'est de s'adresser aux familles qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc nous sommes association départementale. Il faut savoir qu'il y a 101 associations en France et territoire outre-mer. Et donc, notre association France Alzheimer 54 va s'adresser à toutes les familles touchées par cette maladie et surtout aux aidants. Parce qu'être aidant dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, c'est très difficile. Donc, on a besoin de les aider, on a besoin de leur apprendre à savoir comment vivre avec la maladie à leur côté et leur proposer des activités, leur proposer du répit. C'est un petit peu le but de notre association. Qui existe depuis combien de temps sur le département à peu près? France Alzheimer Meurthe-et-Moselle a été recréée en 2020. Elle existait depuis 2016. Mais France Alzheimer au national, on fête les 40 ans en 2025. Voilà. Et vous dites que ça a réexisté sur le département parce qu'il manquait de bénévoles, parce que... J'ai pas exactement l'historique, d'accord. Mais en 2016, ça s'est arrêté, il me semble. Ça a repris en 2020 et depuis, ça ne cesse de progresser. Et votre investissement au sein de cette association, alors Virginie Lac, ça a commencé quand? Alors moi, il faut savoir qu'en tant que secrétaire administrative, je suis la seule salariée de l'association. Donc mon travail consiste à coordonner tout ce qui peut se passer dans l'association. Tout passe par moi, en fait. Et je suis arrivée là parce que j'étais en recherche d'emploi il y a 2 ans et demi. Et que par mon cursus et mon vécu professionnel, il me semblait judicieux de travailler en association pour avoir un petit moment de répit dans ma carrière professionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses à l'association? Oui. Oui. Énormément. Bon, on va y revenir un peu sur les actions. Et vous, Sophie Eva Mazur, en tant que présidente, depuis combien de temps? Alors, présidente depuis 8 mois déjà, ça passe tellement vite. Ah oui, voilà. Bon, c'est tout frais. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, et notamment de faire connaître l'association. Parce qu'on se rend compte que les gens, une fois qu'ils ont le diagnostic qui tombe, ils sont complètement démunis. Donc, ils ont besoin de savoir vers qui aller. Et pour l'instant, on fait beaucoup de communication sur notre asso. Pour que être les premiers vers qui ils se tournent une fois le diagnostic posé. Juste une petite précision, il faut savoir que Sophie, elle n'est pas arrivée là que depuis 8 mois, elle est là depuis 3 ans, puisqu'il y a 3 ans, jour pour jour, elle participait à la course en Guadeloupe, si je ne me trompe, oui. Les Gazelles de Nancy, dans laquelle elle a concouru pour récolter des fonds pour notre association. Donc c'est là qu'elle est entrée dans l'association. Voilà. Bénévole aussi, hein, évidemment, puisqu'un président est toujours bénévole. En fait, on est tous bénévoles dans notre association, sauf comme vous l'a dit Virginie, notre secrétaire, c'est notre salarié. On donne du temps parce qu'on a envie d'aider les autres. On est beaucoup à être touchés aussi de près par la maladie d'Alzheimer. Donc, on a été aidants aussi, certains. Et on sait ce que c'est. Donc, on a envie d'apporter aux autres ce qui nous a manqué. C'est vrai que c'est une maladie qui peut être connue, mais vous pouvez peut-être nous repréciser un peu comment ça se caractérise, la maladie d'Alzheimer. Alors, comment ça se caractérise? Il y a plusieurs points. Et notamment, on parle toujours de la mémoire. Donc, en fait, les oublis de mémoire, mais il n'y a pas que la mémoire, en fait. La maladie d'Alzheimer, elle va débuter par une petite dépression, par un petit burn-out de temps en temps. Et puis, en fait, la personne va être désorientée dans l'espace, désorientée dans le temps, va avoir des réflexes différents des autres. On va s'apercevoir de choses un petit peu spéciales. Et là, on va se dire, il serait temps de consulter un neurologue pour essayer d'aller faire des tests mémoire. Et d'ailleurs, on travaille énormément avec les centres mémoire de l'hôpital de Nancy pour après réorienter effectivement eux, leurs patients. Nous, on ne les appelle pas des patients, on les appelle les aidés. Mmh. Hein. Il faut savoir qu'à l'association, il y a les aidants qui sont les personnes qui s'en occupent et les aidés qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et donc, voilà. Une fois que le diagnostic est posé, et c'est là que prend aussi toute l'importance du rôle d'une association telle que France Alzheimer. Oui, et c'est là que prend toute l'importance de notre association. Et c'est tout le problème, c'est qu'il faut que les gens fassent le pas et viennent nous voir. Donc là, on est en train de communiquer vraiment extrêmement sur Nancy, sur tous les alentours. On a une antenne à Toul, on a une antenne à Lunéville. On est présent à la Maison des aidants à Nancy aussi, oui. Où on fait de l'accueil de famille. Donc, on accueille les familles et puis on va les orienter sur des ateliers pour leur aider et des ateliers pour eux-mêmes avoir un petit peu de répit. Des ateliers qu'organise l'association France Alzheimer ? Oui, c'est ça. Les aider aussi sur l'administratif, tout ce qu'il faut demander en papier, en aide et tout ça. Les orienter, oui, vers les ateliers. Aujourd'hui, France Alzheimer est en capacité d'accueillir ses aidés, ses aidants presque tous les jours. Sur des demi-journées, voire des journées complètes, tout dépend comment se passent les ateliers. Nous avons les ateliers phares qui sont la musicothérapie et l'art-thérapie, qui sont menés par des thérapeutes diplômés. On a intégré en 2024 la médiation animale, donc avec les chiens, les lapins, les chevaux quand il fait beau. Les ateliers relaxation, on remercie d'ailleurs la ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy pour les subventions qu'ils nous ont octroyées dernièrement, qui nous permettent de manière pérenne, je pense, sur toute l'année 2025, d'offrir des ateliers relaxation 3 fois par semaine à nos aidants. Sophrologie, qigong, socio-coiffure. Un mercredi sur deux, on fait venir des petits jeunes DJ pour animer des ateliers blind test, des ateliers karaoké, des ateliers danse, qui sont très très appréciés par nos adhérents. Il faut savoir que la musique, c'est primordial chez un malade d'Alzheimer. C'est vrai ? Ah oui, par la musique, ils arrivent à communiquer, ils arrivent à souvenir, ils arrivent à chanter. Quand on a dit aux jeunes DJ, tu viens faire un blind test chez Alzheimer, il s'est dit, mais tu te moques de moi. Et une fois qu'il était dans le truc, il a dit « Mais ils connaissent ?» Mais oui, parce que la musique, c'est leur rappeler énormément de souvenirs et c'est par là que ça passe. Je prends toujours cette anecdote où on a un de nos membres qui ne parle pas du tout, mais dès l'instant où il y a de la musique, il chante et il ne s'arrête plus. Et les ateliers, ça se passe où alors ? Dans les locaux de la France Alzheimer ? Oui, à Pulnoy, au centre socio-culturel qui nous est mis à disposition gracieusement par la commune de Pulnoy, dont on les remercie. À Toul, où la mairie de Toul, pareil, on les remercie, nous met les locaux à disposition. Lunéville, dans une salle à Chanteux, qui nous met aussi à disposition les salles pour les ateliers. Et là, on est en recherche d'ateliers sur Nancy. Enfin, de salles sur Nancy pour mettre en place, à partir, je pense, février-mars, un atelier sur Nancy un mardi. Donc on le voit, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, mais vous disiez, il y a besoin de faire connaître l'association parce qu'aujourd'hui, elle est encore méconnue et il y a beaucoup de familles qui se trouvent un peu éloignées, ne savent pas forcément vers qui se tourner. Oui, alors certainement, et c'est la raison pour laquelle, alors en dehors de tous ces ateliers, on propose aussi, nous, ce qu'on appelle une formation des aidants, qui est une formation sur 14 heures, animée par nos bénévoles et une psychologue formée, pour leur apprendre à savoir comment appréhender et comment aider leurs personnes atteintes d'Alzheimer. Donc ça, c'est très important. On a aussi, en dehors de tous ces ateliers dont on vous a parlé, ce qu'on appelle les groupes de parole. Donc ce sont des groupes de parole qui se passent tous les derniers samedis du mois à Pulnoy et qui permettent aux aidants de discuter librement puisqu'ils sont seuls, ils sont tous aidants, ils sont tous dans le même cas, avec une psychologue et une bénévole aussi, de pouvoir prendre la parole, discuter, se donner des petits conseils sur comment aider sa personne atteinte de la maladie. Voilà, si on veut contacter l'association, comment on fait aujourd'hui ? 07 88 98 13 88. Voilà, je vois que vous connaissez le numéro par cœur. On le mettra bien sûr avec le podcast. Et c'est facile de vous trouver facilement aussi en moteur de recherche. Sur Google, on arrive dans les premiers. J'ai fait en sorte qu'on arrive dans les premiers. Il y a Insta, il y a LinkedIn, il y a Facebook. Enfin, il y a tout ça. France Alzheimer, Meurthe et Moselle. France Alzheimer, Meurthe et Moselle, on nous trouve. Voilà, et votre actualité notamment, c'est ce rendez-vous de début janvier. C'est avec la 24e édition de La Foulée des Rois. À Pulnoy, c'est la première fois que vous organisez ou vous êtes bénéficiaire de cet événement ? Les deux. En fait, c'est venu à l'initiative de notre vice-présidente, Laurence, qui, habitante de Pulnoy, connaît un petit peu toutes les manifestations qui se passent à Pulnoy. Elle a été mise en relation donc, avec Dominique Feuilleten, qui est le bénévole emblématique de la Foulée des Rois, et qui, pour 2025, souhaitait que cette course soit organisée et au profit de France Alzheimer Meurthe et Moselle. Du coup, nous communiquons, nous gérons la partie financière. Pendant ce temps-là, monsieur Dominique Feuilleten s'occupe de tout le reste parce qu'il connaît ça par cœur. Et donc, ça se passe le 4 janvier. Le lien pour s'inscrire sur ChronoPro défile déjà sur nos réseaux sociaux. C'est des courses nocturnes de 7 à 77 ans. Il y a la course pour les petits, il y a la course pour les minimes, la marche nordique, la course pour les pros, la course pour les moins pros. Bâton, lampe frontale et puis let's go. Oui, parce que ça commence à 16h, oui. Donc il commence à faire un peu nuit aux heures là, donc voilà. Et oui, on peut marcher aussi, on n'est pas obligé de courir. Oui, oui, il y a la marche nordique. Voilà. Et on n'hésite pas à aller s'inscrire, c'est à partir de 5€ les inscriptions, c'est ça? Oui, ça doit être ça, 5€ pour les enfants, jusqu'à 12€ pour les professionnels. Et l'argent récolté va bien sûr bénéficier à l'association pour pouvoir financer plein de choses. Pour pouvoir financer plein de choses et surtout des ateliers pour qu'on puisse continuer en fait tous nos ateliers à aider tous nos aidés, tous nos aidants. Il y en a de plus en plus. On était à 46 adhérents, c'est ça? Oui. Quand j'ai commencé chez France Alzheimer en 2022, il y avait 45 adhérents à peu près. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai enregistré le 176e. 176. Oui. Voilà. Donc ça va vite, les gens appellent. Juste après, on a un accueil famille à faire pour certainement aider une nouvelle famille. Donc tant mieux, on fait beaucoup d'accueil famille, on est là et n'hésitez pas. France Alzheimer, Meurthe et Moselle est là pour vous accueillir, mais surtout venez vite avant l'épuisement pour toutes les familles qui sont touchées. N'hésitez pas. Et vous cherchez aussi des bénévoles? Alors évidemment. On peut peut-être lancer un appel. Hein, on peut lancer un appel, quelques heures de votre temps à donner. On cherche des bénévoles, on cherche des gens qui ont envie de donner de leur temps. Là où on a eu récemment des étudiants en fait qui valident des masters, qui viennent nous aider. C'est fabuleux. Donc voilà, quelques heures par semaine, quelques heures par mois, tout le temps que vous pouvez nous donner, nous aider. Ce sera pour les autres, ce sera de belles actions et voilà, la société inclusive, c'est aussi ça et c'est un petit peu ce qu'on prône au niveau de notre association. 07 88 98 13 88. Parfait. Voilà, vous appelez Virginie et vous pouvez contacter comme ça l'association France Alzheimer 54. Merci infiniment à vous deux. Merci à vous. Et rendez-vous le 4 janvier pour marcher ou courir. On espère que Radio Fadjet sera là pour venir courir. Merci. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.